بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، قولي: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. باش ما تخدمش في لا بتيت دعاء كو جو دفير، ربي اشرح لي صدري. سي ان فوكاسيون ندموند الله كي لوغ نوتر كور، ويسر لي امري كي نو فاسيليت نو اكسيون نونتربرون، واحلل عقدة من لساني اي كي لوغ او كي دينو لو نو كي بو افوار دو نوتر لونغ qui est causé forcément par les chiatrines. Et l'autre invocation, c'est ce que vous entendez souvent, et c'est ce qu'on doit faire. Qu'Allah, en fait, c'est une invocation qui demande qu'Allah nous fasse voir la vérité comme elle est. Allahumma arina al-haqqa haqqa wa rizqana ittiba'a. Allah nous fasse voir la vérité comme elle est, et qu'il nous fasse en sorte, ou qu'il nous facilite de la suivre, et qu'il nous montre l'égarement comme il l'est, et qui nous facilite de s'en détourner. Amin, amin, amin, surtout dans ces temps de trouble. Alors, bon, j'ai pas préparé, je vous avoue pas, je vous cache pas que j'ai rien préparé du tout. Ça va être spontané, ou ça va être on va essayer de, comme je l'avais dit, c'est pas quelque chose que j'ai plus ou moins constitué vu que j'étais pas dans cette démarche de mettre ça entre les mains de qui que ce soit, c'était des recherches à titre personnel, voilà, des sujets qui m'intéressaient, parce que finalement c'est lié à notre religion, parce que ça un impact, ou du moins ça a un lien avec ce rapport de force, et forcément ce rapport de force entre la mécréance, la foi, il va y avoir des partisans, il va y avoir des adversaires, il va y avoir des gens qui vont agir, il y a des gens qui vont être qui vont être spectateurs, et ainsi de suite. Et du coup, il était intéressant de voir et de s'approfondir pour essayer de comprendre, parce que finalement le Coran et la Sunna, au jour d'aujourd'hui, c'est difficile de pouvoir interposer ou superposer ce qui se passe, ce qu'on vit, et de comprendre. Ça ne peut se faire que si on consacre du temps à la science religieuse d'abord et avant tout, parce que c'est ce qui va nous permettre d'avoir une meilleure approche des informations qu'on peut avoir. Parce que finalement, l'étude en sciences religieuses nous donne une certaine méthodologie dans l'approche des informations, dans la recherche, dans la rigorosité et dans le contenu des informations qu'on va avoir, et après de pouvoir, grâce à Allah bien sûr, de pouvoir un peu comprendre et de mettre chaque pièce à sa place pour voir un peu qu'est-ce qui se dessine. Et finalement, religieusement, encore une fois, c'est ce qui va permettre à chacun de mieux comprendre. Et après, bon, il y a aussi un élément qui n'est pas négligeable. Je pense que tout le monde ne l'a pas, hein, forcément. C'est est-ce qu'on veut comprendre, en fait? Est-ce qu'on veut comprendre ou pas? En fait, ça, c'est des choses à trouver en chacun de nous, ou pas. Et à ce moment-là, il faut essayer de le créer quelque part, créer cette envie de nouer ou de susciter cette envie de comprendre en fait ce qui se passe. Et forcément ça va nous demander beaucoup plus de temps, parce que finalement notre temps, à quoi on l'utilise d'une manière générale? On l'utilise à quoi? Ben à ce à quoi on a été confectionné, conditionné. Et du coup, c'est ce qui va nous motiver finalement à essayer de comprendre et donc d'aller en profondeur et finalement de ne pas vivre comme la majorité des gens vivent, c'est-à-dire penser qu'à travailler, manger, construire une maison ou quelque chose ou un avenir. Et finalement, on ne sait pas dans quel monde on vit. On ne sait pas qui nous dirige, quels sont leurs objectifs et leurs plans. Et en fait, toutes ces questions, étant donné qu'on n'est pas dans cette démarche-là, on ne se les pose pas. Donc si on ne se les pose pas, c'est normal que les réponses ne viennent pas et qu'on soit toujours dans le flou, dans le doute, dans l'ambiguïté. Donc je ne vais pas m'attarder sur ça, c'est juste pour faire comprendre que ça demande certaines dispositions. Je vous recommande pas spécialement de vous approfondir dans tous ces sujets-là, parce qu'il est quelque part un peu trop tard. Par contre, de commencer à essayer de cultiver, pour commencer à essayer de plus ou moins comprendre ce qui est en train de se passer, qui est un enjeu énorme, et que finalement, il va y avoir plein d'actions qui vont être menées par différents groupes de gens pour nous amener à une idéologie, à un concept qui est le nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial, c'est un concept, c'est un terme, enfin, c'est des mots, voilà. Mais qu'est-ce que ça cache? Et quels sont les moyens ou les outils pour arriver à ce nouvel ordre mondial? Donc, du fait de l'urgence, c'est celui qui veut s'instruire, enfin qui veut se cultiver à ce niveau-là, c'est bien, mais il faut qu'il garde suffisamment de temps pour essayer de réfléchir déjà dans un premier temps, de se resituer et du coup de se préparer finalement à trouver des solutions. Et au fur et à mesure qu'il y a un chemin qui se dessine, là à ce moment-là, un axe qui l'intéresse et qui veut essayer de comprendre, il aura tout le temps pour, mais là il est question de trouver des solutions. Donc le groupe, même si quelque part ça va être il va être dédié à parler du monde occulte, je vais l'appeler comme ça, pas spécialement du coronavirus comme je vous l'ai dit, et je vais essayer pas de démystifier, mais de décomposer un peu, avec le peu de connaissances qu'Allah m'a donné sur ces sujets-là et sur ces questions, pour essayer de vous apporter des éléments et après des conseils. Et par la suite, il y aura des sources, comme j'ai pu mettre sur le groupe. J'ai mis sur le groupe donc des conseils, des liens de différents domaines pour vous donner un peu l'envie de voir un peu ce qui se passe. Et si vous remarquez, ça ne correspond, ce n'est pas directement le coronavirus, enfin c'est pas le coronavirus. Je ne vous ai pas envoyé de lien concernant le coronavirus, même si ça tourne autour, même s'il en est question. Je vous disais, donc en fait, voilà, le but, ça va être des échanges dans un premier temps, et après de vous expliquer un peu. L'intro, c'est pour vous sensibiliser de la nécessité, Allah, et de s'instruire. L'être humain, Allah l'a créé avec cette capacité de se cultiver, de s'instruire, et c'est une machine quelque part qui a besoin s'alimenter, autant d'un point de vue alimentaire, d'un point de vue spirituel, d'un point de vue information, et se cultiver. Et du coup, au jour d'aujourd'hui, quand on voit le temps dans quoi on le passe, chacun peut faire un état de la situation, il va voir que c'est vide. Au niveau culture, au niveau connaissance, au niveau instruction, c'est vide, à tous les niveaux. Du moins, quand on a passé un certain âge, ça y est, on pense qu'on a pris la retraite par rapport à l'instruction, à l'éducation, alors que c'est un travail de toute une vie. Donc, ces sujets-là, on ne va pas trop s'attarder dessus. L'objectif, ça va être plus de vous sensibiliser de ce qui se passe et du monde, quelque part, qui est caché, enfin, pas caché, mais qui agit dans l'obscurité et qui a un impact et un effet dans notre vie quotidienne, et ce, depuis des siècles. Et on verra qu'au fur et à mesure, ce sont toujours plus ou moins les mêmes familles ou les mêmes groupes de gens qui ont dominé à travers les siècles et avec un agenda bien déterminé et précis. Donc on n'est pas arrivé au jour d'aujourd'hui par hasard. Toute cette technologie, ces maladies, cette manipulation mondiale, les guerres, tout le mensonge qui s'est construit autour de cette soi-disant instruction qu'ils nous donnent à l'école. Donc voilà, on va tout doucement, avec le temps, essayer de venir ou d'arriver sur ce sujet-là. Très brièvement, parce que voilà, il y a plein d'ouvrages, il y a plein d'auteurs, il y a plein de... Le but, ça va être vraiment de donner un minimum. Pourquoi ? Parce que quand même, on est dans un état d'urgence et on ne peut pas en même temps récolter des informations, la traiter et mettre des actions en place et agir. Donc au jour d'aujourd'hui, on est dans une situation qui est assez compliquée, dans le sens où ils jouent avec un des éléments qui leur donne souvent raison, c'est de jouer avec la peur des gens. D'accord ? Et le moyen, ou le meilleur moyen pour faire peur aux gens, c'est de jouer avec leur santé. Parce que la santé est liée à la mort. La mort est liée à... c'est la fin de tout. Donc, on va revenir sur le coronavirus. Alors, bon, comme je vous l'ai dit, je ne vais pas préparer. Je suis, je pense, un peu comme vous, par rapport à ce qui est en train de se passer. Par contre, étant donné que je sais un peu par rapport à toutes les informations que j'ai pu récolter depuis un certain temps, et comprendre qu'il y a un plan derrière, on a pu lire aussi certains objectifs qui fait partie de leur plan, qu'on comprend mieux quand il y a des événements qui se produisent, quand c'est à échelle mondiale. Oui, donc le coronavirus. On va parler du coronavirus. Le coronavirus, c'est un virus qui a été créé par par certains États, des services de renseignement, des services scientifiques et de l'armée. Et c'est cette maladie, en fait, ou du moins c'est... Je vais vous donner des conseils, sincèrement, les frères et sœurs. Loin de là, le fait que je me place au-dessus de vous, j'estime être plus éclairé, plus informé et qui a des informations beaucoup plus fiables et beaucoup plus solides. Non, c'est pas ça, c'est que ça fait un moment. Et c'est comme tout. À un moment donné, dans n'importe quel domaine, au départ, c'est compliqué. Et après, avec le temps, on sait comment s'y prendre, on sait quel chemin prendre, on sait comment décrypter les informations, on sait de qui prendre l'information, on sait de qui rejeter l'information, on sait combiner entre les informations. Donc, non, ce document, en soi, il n'est pas faux. Par contre, c'est comme tout. C'est vraiment très compliqué d'Internet au jour d'aujourd'hui. Tout le monde dit tout et n'importe quoi. Maintenant, comment déterminer que ce document est vrai ? Comment déterminer que ceux qui interviennent pour discréditer cette personne, ils sont fiables ? Pourquoi l'un serait fiable et l'autre pas ? D'accord ? Et il y a une règle dans l'information, c'est que trop d'informations tue l'information. Et ça, ils le savent. Et étant donné qu'on a des gens qui ne sont pas aguerris dans le domaine, eh ben, ils savent très bien que les gens ils vont être manipulés. Ça va leur causer plus de mal que de bien. Et c'est ce que je vous ai dit d'ailleurs quand Imen avait posté le message. J'ai essayé de vous faire de vous donner des conseils, de vous dire que en fait, ce n'est pas des domaines où il faut mettre les pieds ou approfondir. Pourquoi ? Parce qu'une information, avant de l'affirmer ou de la confirmer, il faut d'abord faire des recherches. C'est tout un travail, en fait, quelque part, l'investigation. C'est pas si simple que ça. Après, il faut savoir est-ce qu'on est bien orienté. Et ça, c'est un travail en soi. C'est vraiment un travail en soi. Donc, comme je vous l'ai dit juste un peu avant, étant donné que nos vies ne tournent pas autour de ça, de la culture, de l'information, et ainsi de suite, ben voilà. Et après, il faut déterminer quel type d'information ou vers quel type d'information on se tourne. Je ne dis pas ni quoi que ce soit, mais la majorité des gens, si on vient à regarder leur source principale d'information, ben ils n'en ont pas énormément. Ils n'ont pas de source fiable, de source réelle. Ça va être des intervenants par-ci par-là sur Internet, des youtubeurs, des influenceurs. Ils parlent de tout et de n'importe quoi. C'est comme quand on parlait religieusement des prédicateurs qui sont complètement à côté de leur basket et qui, quand ils traitent des sujets d'actualité, mais ils sont complètement hors sujet. La preuve, là, on a un exemple flagrant par rapport à ce qui se passe et les interventions de ces personnes-là. Quand on les écoute, sincèrement, on a envie de leur dire « Votre cas est déjà assez grave, ne l'empirez pas. Et vous êtes en train de vous enfoncer. » Donc là, c'est un peu la même chose. Vous n'avez pas forcément le temps et vous ne disposez pas de tout le temps que vous le souhaiteriez pour pouvoir faire ce travail-là, et c'est un travail à part entière. Donc, je vous donne un conseil sincèrement. Évitez les informations mainstream, comme on les appelle, ou les médias dominants. Évitez toutes ces sources-là, parce qu'elles vont avoir un effet négatif sur vous. Parce que tout le monde va ramener des sources et des informations. Ok. Moi, Inch'Allah, les sources que je vous envoie ou que je vous ai envoyées déjà, ce sont des gens qui sont connus et reconnus dans le domaine. Après, qu'ils le soient, c'est une chose. Maintenant, il y a une autre étape, c'est de vérifier leur information. Donc, d'écouter des gens, des intervenants ou ceux qui relaient les informations, franchement, faites très attention. Il faut être averti, il faut être un chercheur, entre guillemets, averti. Et ça prend du temps. C'est pas en 2-3 semaines, il s'est passé une crise et on commence à rechercher sur le téléphone, Internet, YouTube, Twitter, Facebook. C'est pas comme ça qu'il faut chercher. Moi, les liens que je vous ai envoyés, je vais continuer à vous envoyer, mais derrière, il y aura des sources de livres, de sites vers lesquels vous pourrez vous orienter. Donc, je disais, en fait, oui, par rapport aux informations. Les sources. Donc, par rapport aux informations, les sources scientifiques, franchement, vous avez, il y a plein de gens qui sont de bonne volonté, de bonne intention, et ainsi de suite. Mais finalement, on est tous en train de faire le jeu de ceux qui ont planifié. Et quelque part, ben, sans s'en rendre compte, on est en train d'augmenter, d'amplifier la peur, le stress. Il y en a qui sont, sans même s'en rendre compte, en train de développer les conditions pour tomber malade. Parce qu'il y a un lien entre le psychique et la maladie physique. Ça, c'est pas moi qui le dis. Hein. Je ne fais que répéter certaines études qui ont été prouvées par certains scientifiques entre donc le lien entre l'esprit et la matière, et qu'il y a forcément un effet. Donc c'est pour ça que je dis, franchement, au niveau des informations, limitez-vous. Wallah, vous en avez pas besoin. Ce que vous avez besoin, par contre, c'est de vous rapprocher d'Allah. Parce que finalement, en tant que musulman, ça doit nous pousser à quoi? À nous remettre en question. En plus, alhamdoulilah, on est tous en mode i'tikaf quelque part. Enfin, peut-être pas parce qu'on est dans un domaine où on travaille, malheureusement. Donc, il n'y a pas de confinement, mais on est quelque part en mode atikef. Atikef, c'est une retraite spirituelle, entre guillemets, donc ça veut dire qu'en gros, on s'est retiré. Bah, là, on est un peu retiré, on nous a retiré de force, de ce monde qui avançait d'une manière dangereuse et difficile. Et donc, normalement, en tant que musulman, ça va nous pousser à quoi? à remettre les choses au clair dans notre vie, notre relation avec Allah, où est-ce qu'on, comment on s'oriente, vers quelle direction on s'oriente, est-ce qu'on n'est pas à côté de l'objectif pour lequel on a été créé, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est-à-dire, au lieu de se polluer l'esprit avec des choses qui sont négatives, d'essayer de profiter de ces moments-là. Parce que, comme je vous l'ai, on l'avait dit dans le cours précédent, dimanche, le truc, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pour ça qu'on fait des cours en fait religieux, enfin de religieux au niveau de la croyance, ainsi de suite. On a été créé pour adorer Allah. Et ce temps qu'on a passé jusqu'à maintenant, où est-ce qu'on en est? Et vu maintenant qu'on arrive, on approche à un certain âge de temps qui est la fin des temps. Enfin, quand je dis la fin des temps, c'est pas la fin du monde, hein. C'est la fin d'une époque, d'une ère, et on va passer à une nouvelle époque, une nouvelle ère, un nouvel âge. Et ça doit nous pousser à quoi? À nous dire, d'Allah, on est en train d'approcher à notre rencontre, ou à la rencontre d'Allah. Est-ce que j'ai des arguments pour justifier mon égarement, pour justifier mon délaissement, pour justifier mon laxisme, et ainsi de suite. Donc, à la rigueur, ça, ce serait positif, et Wallah, ça serait doublement positif, parce que forcément, indirectement, vous vous rapprochez d'Allah, directement plutôt, vous rapprochez d'Allah. Et Allah vous guidera, ou du moins vous orientera vers la meilleure manière d'aborder ce qui est en train de se passer. Inch'Allah, avec le temps, on essaiera de, comme j'ai dit, de voir un peu tout autour ce qui se passe. Pas le coronavirus, parce qu'en soi, ce n'est pas important. Donc, le coronavirus, au lieu de vous polluer l'esprit, franchement, avec ces bêtises, j'essaierai de voir les liens déjà que je vous ai envoyés. C'est des comptes, vous pouvez aller sur leurs comptes, et ils ont énormément de sujets, franchement, qui sont très intéressants. Entre autres, il y en a un que je vous recommande, qui s'appelle « Documents rares et inédits », je ne me rappelle plus exactement. Si vous voulez, je vous le reposterai sur le profil de ce compte-là. Et il fait de la lecture de beaucoup de livres, en fait, dans différents domaines. D'accord ? C'est pas du complotisme. Ce sont des faits. Un complot, quand on dit qu'il y a un complot, il faut voir la définition du complot. C'est des choses qui ne se sont pas réalisées ou qui vont se réaliser, ou très certainement. Il n'y a aucune certitude. Tandis que là, on parle de faits. Donc à partir du moment où ce sont des faits, il n'y a plus de complot. Après, le fait qu'ils ont comploté contre une population, une personne, deux, le monde, et que ça s'est appliqué, là on ne parle plus de complotisme au sens, au jour d'aujourd'hui, où les gens l'ont compris, dans le sens dans lequel, que les gens ont compris au jour d'aujourd'hui. Complotisme au jour d'aujourd'hui, pour les gens, c'est du mensonge, en gros, c'est du n'importe quoi, c'est de la parano, et ainsi de suite. D'accord ? Mais c'est pas concrètement, d'un point de vue linguistique, ça n'a rien à voir. Si on regarde qu'est-ce que veut dire le mot complot, ça n'a rien à voir. Donc voilà, ça c'était juste quelques petits conseils à vous donner pour essayer de vous libérer un peu l'esprit, parce qu'on en a besoin pour réfléchir d'une manière saine et que ça soit productif. Donc le coronavirus est un plan parmi les plans du nouvel ordre mondial et qui fait partie du type guerre bactériologique. Je vous enverrai le lien d'un certain scientifique qui parle de justement les guerres du 21e siècle. En parlant des guerres bactériologiques. Donc, ce qu'il faut savoir, comme je vous l'ai dit dans le cours précédent, c'est que la guerre n'a jamais réellement cessé entre les différents blocs. La guerre n'a pas. Ils savent très bien, en fait, à qui ils s'adressent, ils savent très bien qu'il y a des niveaux d'écoute, de compréhension. D'accord ? Ils savent très bien qu'il y a un niveau de compréhension que les petits gens ou le commun des gens va prendre ces informations, il va les comprendre dans le sens où, comment il a été manipulé. Exactement, exactement. Pire encore, pire que des enfants. Parce que les enfants, on a, à la rigueur, les enfants, tu leur mens pas. Là, c'est de la réalité. Tu vois. Donc, en fait, ce qu'ils sont en train de faire, quand ils parlent, quand ils, il y a des messages, entre guillemets, subliminaux, effectivement. Mais ils sont beaucoup plus subtils. Parce qu'en fait, ils vont utiliser des termes et ils savent que par rapport au conditionnement dans lequel les gens sont et l'endoctrinement qu'ils ont pu avoir depuis, depuis qu'ils sont nés, finalement, depuis qu'on est né, en fait, on est endoctriné. Toutes ces écoles ne servent qu'à ça. Elles servent à nous dépouiller de notre fitra, de notre nature originelle, pour pouvoir ensuite mettre de mauvaises graines, si vous voulez. Donc du coup, quand eux, ou les responsables politiques, entre guillemets, et d'autres, d'autres personnalités vont s'exprimer, ben, on va pas avoir le mauvais soupçon. On va vraiment croire avec Nia qu'ils font ça de bonne, avec une bonne intention, qu'ils veulent aider les gens et qu'ils font leur maximum et qu'ils parlent dans l'intérêt de la population et ainsi de suite. Alors que non, c'est une guerre, c'est réellement une guerre. Mais la guerre n'a jamais cessé. Elle a évolué, pourquoi ? Parce qu'au niveau technique et au niveau scientifique et technologique, on a évolué. Donc du coup, tout ce que vous pouvez voir ou tout ce que vous avez pu voir à la télé, comme des avions de je ne sais pas quoi qui s'est crashé, un hélicoptère par-ci par-là, qu'il y a eu un tsunami là-bas, qu'il y a eu un tremblement de terre là-bas, vous croyez que c'est quoi, franchement ? Beaucoup, et malheureusement, les musulmans qui sont tellement dans un nuage, ils vivent dans leur bulle. Leur bulle, c'est leur livre. En fait, ils vivent en adéquation avec le monde dans lequel on est. Ce qui fait qu'ils sont tout le temps, ils sont à côté, ils sont en décalage total par rapport à la réalité des choses. Ce qui fait qu'en fait, leur discours, on n'arrive jamais à le superposer au monde dans lequel on vit. Voilà. Donc, en fait, ces messages subliminaux, que ce soit la guerre, ainsi de suite, c'est un fait. Mais c'est une guerre qui n'est pas dirigée contre le peuple. C'est des guerres entre les États. D'accord ? Donc, comme je vous disais tout à l'heure, la dernière fois, le coronavirus n'est qu'une articulation de ce qu'ils ont déjà commencé. Le gouvernement chinois, comme je vous l'avais dit, ils avaient déjà commencé à le diaboliser depuis un certain temps. D'accord ? À travers leur culture. La première des choses, ça a été à travers leur culture. De toute façon, je vais vous citer quelques faits. Et vous allez peut-être vous remémorer cette propagande, parce que finalement, c'est cette télé et tous les médias dominants qui nous ont transmis tout ça. Donc la première des choses, ça a été de les diaboliser et de montrer que c'était un État totalitaire, un État dictatorial, un État où il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de... D'accord ? Donc déjà, ils ont commencé à diaboliser l'État chinois, le gouvernement chinois, les lois qu'ils appliquent, ainsi de suite. Et ensuite, ça a été, bon, pas par, je ne vous le cite pas par ordre chronologique, mais vous allez sûrement voilà, retrouver un peu certaines informations que je vais citer. Ensuite, on a eu, le fait que la Chine soit, on va dire, indirectement attaquée à travers ses alliés. Bon, ça, vous ne l'avez peut-être pas suivi. Parce que voilà, encore une fois, c'est des informations, on va dire, avant ce qui vient de se passer, c'était pas des informations qui étaient intéressantes ou attirantes. Pourquoi ? Comme je l'ai dit au début, ça dépend qu'est-ce qu'on attend ou dans quoi on occupe notre temps. Si on occupe notre temps à se divertir ou à prendre plaisir ou à jouir de cette dunia et de certains moments, bah, forcément, on va passer à côté de l'essentiel des choses. Donc, en fait, tout ça, ça a été fait pour mettre la Chine de côté, entre autres, mais pas que. Parce qu'en fait, il y aurait d'autres éléments à apporter, que ce soit d'un point de vue géopolitique, d'un point de vue technologique, d'un point de vue économie, d'un point de vue financier. En fait, sur tous les points, il y a une guerre que les gens ne comprennent pas parce que les politiques, les journalistes, tout s'est traité et s'est vendu. Et c'est comment ça s'appelle Et c'est. Bref, on travaille tous dans le même objectif, c'est de manipuler, de continuer à endormir les esprits pour qu'ils continuent à faire tourner la machine, c'est-à-dire le système. Donc, il y a eu ça. Ensuite, il y a eu le cas de Huawei. Je parle des cas les plus marquants, surtout ces derniers temps, pour qu'on se remémore, pour qu'on comprenne finalement que le coronavirus n'est qu'un moyen de plus. Mais là, ça touche pas que les Chinois, ça touche aussi les gens. Donc, il y a eu le cas de Huawei. Le cas de Huawei, c'était quoi exactement? Soi-disant, comme je l'avais dit, ils ont prétendu que les Chinois ou le gouvernement chinois, à travers Huawei, espionnaient et récoltaient des informations pour le compte donc, du gouvernement. Donc, la partie renseignement, intelligence, et ainsi de suite. Ok, mais ce qu'on ne sait pas, ce qu'on s'est pas dit au même moment, c'est-à-dire, subhanallah, tout le monde est rentré dans cette polémique. Mais personne ne s'est posé la question. Enfin, quand je dis personne, bien sûr qu'il y en a qui se sont posé la question. Et là, en l'occurrence, je m'adresse plus ou moins à vous. Qui c'est qui s'est posé la question? Mais est-ce que ce sont les premiers à utiliser ce moyen-là ou pas? Non. Donc, en fait, c'est quoi? On doit se mettre dans un camp plutôt qu'un autre? Est-ce que. En fait, quelque part, sans même le savoir, on est dans un camp. Parce que automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? Ben, la majorité des gens ont pris le camp, sont dans le camp des États-Unis. Parce qu'en fait, ils ont évoqué, ils ont amené, ils ont apporté des éléments qui touchent en fait chacun. Et ils ont joué donc avec, entre guillemets, les sentiments des gens. Qui nous écoutent, qu'on n'a pas de vie privée, qui veulent faire en sorte qu'on soit comme dans leur pays, comment ça s'appelle, qu'on n'ait plus de vie privée, qu'on soit, comment ça s'appelle, épié dans chaque moment de notre vie, ainsi de suite. C'est ce qu'ils font les Américains et depuis très longtemps. Toute cette technologie, comme je vous l'ai dit, elle a été, entre autres, fabriquée et mise entre les mains des gens pour ça. Ceux qui ont, comme j'ai dit, les iPhones ou même les autres téléphones qui sont sous Android, toutes marques confondues. Cette technologie, avant même qu'elle vienne entre nos mains, c'était une technologie. Dans les années de la Deuxième Guerre mondiale, 39-45, c'était des outils de l'armée. D'accord, ça, le corps. De l'armée utilisait déjà ces technologies-là. Mais bon, bref. Donc ensuite, le cas de Huawei, on a eu le cas des Ouïghours, les Ouïghours musulmans. Donc je vous fais un récap par rapport à ce qu'on avait vu dimanche, parce qu'on va, comme j'ai dit, parler du coronavirus, mais on ne s'attardera pas sur le coronavirus en soi, parce que ce n'est qu'un leurre. Donc, il y a eu le cas de Huawei, ensuite il y a le cas des Ouïghours. Les Ouïghours, c'était exactement, bah, soi-disant que les musulmans sont persécutés. Et regardez ce que vivent les musulmans. Donc en fait, le but c'était de mettre à dos la Chine par rapport à l'opinion publique mondiale. C'est-à-dire que chaque personne, chaque ethnie, chaque race, culture, religion doit en fait quelque part avoir une action contre le gouvernement chinois. D'un point de vue émotionnel, d'un point de vue économique, d'un point de vue technologique, peu importe. Mais le but, c'était en gros d'affaiblir la Chine et de la mettre à genoux. Parce que la Chine, on l'a bien vu, l'explosion qu'elle a eue, on n'a pas arrêté d'entendre ces derniers temps, ces derniers temps, ça parle en mois ou en années, que la Chine est devenue un acteur politique et un acteur incontournable dans l'économie mondiale, et ainsi de suite, et voilà, j'en passe. Donc, au même moment, l'Amérique, depuis la crise des subprimes en 2008, elle a pris une grosse et une énorme claque. On nous relaie pas les informations et de ce qui se passe là-bas et ce qui touche les gens, mais la pauvreté a fait un rage et tout le monde, ils ont indirectement, selon certaines sources, la classe moyenne a été presque à moitié cassée. C'est-à-dire que ceux qui avaient un train de vie plus ou moins normal, bah, ils sont descendus à l'état bah, de classe pauvre. Et la classe pauvre, bah, maintenant, est, entre guillemets, des SDF, des gens qui, bah, qui sont de moins en moins à cause des taux. Bon, je ne vais pas parler de technique, parce que là, ça... C'est sur quoi on va s'arrêter juste un peu après. Mais oui, c'est ça, un peu, c'est un peu ça, c'est un peu ça. Donc, il y a eu, donc, le corona. Donc, il y a eu le dernier cas, c'est le cas des Ouïghours. Donc, du coup, tout le monde s'est mis à dos la Chine. Et donc, après, je vais vous parler d'autres aspects économiques, comme quoi la Chine a envahi l'Afrique. Comment ça s'appelle, acteur économique, premier acteur économique en Afrique, et dans d'autres pays. D'accord? Tout est fabriqué, enfin, pratiquement une grosse partie de tout ce qu'on a dans le monde entier, que ce soit des produits finis ou des produits transformés ou des produits bruts, bah, ils passent automatiquement en Chine. D'accord? Donc, le but pas que des États-Unis, hein, comme je vous l'ai dit, moi je ne parle pas d'un pays ou de deux pays, on parle de l'alliance anglo-saxonne. L'alliance anglo-saxonne, comme je l'ai dit, c'est l'Europe. Et on rentre dedans l'Europe. C'est-à-dire que au-dessus de l'Europe, il y a l'Angleterre et les États-Unis. Donc un jour, si un bail passe vite, j'essaierai de vous transmettre la pyramide du pouvoir. C'est-à-dire que ce sera une pyramide et dedans, vous allez avoir les différentes classes et les différents degrés de ceux qui gouvernent et qui dirigent en fonction des domaines. Et tout en haut, en fait, vous avez donc la famille royale d'Angleterre et le groupe des 300 et d'autres familles royales comme la famille royale d'Hollande, de Hollande, hein, pas de François Hollande, de Hollande, des Pays-Bas, d'Italie, d'Espagne, ou encore d'Irlande. Donc en fait, toutes ces royautés existent toujours. Et ils ne sont pas juste là pour le folklore. Ce sont des gens extrêmement puissants qui, depuis des siècles et des siècles, ils ont dominé. Et bah, ils dominent toujours. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont un plan. Et ce plan, c'est le nouvel ordre mondial. Et le nouvel ordre mondial est censé bon, toucher la vie de tout individu et à tous les niveaux. Autant religieux, que économique, que social, alimentaire et la santé et ainsi de suite. Je vous avais déjà cité certaines arcanes du gouvernement mondial et qui sont là depuis un certain temps. Donc voilà, le coronavirus. Donc ensuite, il y a eu le coronavirus. Donc ensuite, toutes ces attaques contre le gouvernement chinois, il y a eu le coronavirus. Le coronavirus, c'est quoi? Comment il a été créé et depuis quand il est là? Le coronavirus, c'est un virus qui a été créé il y a quelques années de ça. Il avait déjà été référencé, et pas que celui-là, en fait. Pratiquement tous les virus, en fait. Tous les virus ont été créés. Et soi-disant, c'est des virus qui ont été soi-disant créés, entre autres. Ils ont plus ou moins fusionné, ainsi de suite, afin, soi-disant, de développer des vaccins. D'accord? En gros, c'est de prévenir, si vous voulez, de prévenir en cas de pandémie ou en cas d'épidémie, ou ainsi de suite. Mais le problème, c'est que si on avait des gens au-dessus qui étaient honnêtes et sincères et bien, bien intentionnés vis-à-vis des gens, on pourrait se dire, ouais, c'est comment ça s'appelle? Ils font bien. Mais c'est pas le cas, parce que quand on regarde la majorité de ces gens-là, ils sont forcément tous affiliés ou ils font partie de certaines sociétés secrètes. Et les sociétés secrètes, ce n'est pas des fabulations, ce sont des réalités. Ça aussi, c'est un autre sujet. Si on a le temps et qu'Allah nous facilite et nous accorde encore un peu de répit, un peu de vie, on essaiera j'essaierai de partager certains liens qui créent de toutes les sociétés secrètes. Et chaque société secrète a un domaine dans lequel elle agit. Il y a des sociétés secrètes qui sont plus. C'est-à-dire que ceux qui participent, ou ceux, les adhérents, ce sont plus des politologues, enfin des hommes politiques. Il y en a d'autres, c'est plus l'économie. Il y en a d'autres, c'est plus la santé. Il y en a d'autres, c'est plus l'argent même. Il y en a d'autres, c'est plus tout ce qui est géopolitique. Il y en a d'autres, c'est technologique, et ainsi de suite. Et chacun, en fait, ils sont tous indirectement dans d'autres sociétés secrètes où ils se réunissent. Donc finalement, il y a déjà un gouvernement qui a glissé dans l'ombre depuis maintenant, voilà, des siècles et des siècles. Hein, c'est pas nouveau, les sociétés secrètes, c'est pas un concept nouveau. Les noms ont changé, les règles et certains codes ont changé, certes, mais l'objectif reste le même. Donc, entre autres, pourquoi ils voulaient abattre la Chine, ce n'est pas qu'à cause de tout ce qu'on vient de citer, c'est parce que la Chine est partisante du gouvernement mondial, mais multipolaire. Donc, elle se range du côté de la Russie. La Russie, il y a aussi l'Iran. Et il y a aussi, à un moment donné, il y avait la Turquie, mais la Turquie, à chaque fois, elle fait un peu volte-face. D'accord ? Il y a l'Inde aussi. De taille. Et le but, en fait, c'est finalement, ce n'est pas de les abattre eux en tant que tels, mais c'est de les abattre afin que leur concept du nouvel ordre mondial multipolaire tombe. Donc d'isoler Poutine pour que finalement il n'a pas la capacité. Parce que Poutine, il y a quelques temps, pas que lui, avec d'autres comme la Chine, l'Inde. Ils ont créé le BRICS, je ne sais pas si vous avez entendu parler. En fait, c'est un peu comme le SMI, c'est un fonds monétaire international. Je vous l'ai traduit comme ça, mais ça s'appelle pas comme ça, les initiales ne s'appellent pas comme ça, mais c'est le même objectif. Le SMI, c'est l'arcane du gouvernement mondial d'un point de vue économique. Je parle que, en fait, étant donné que la Russie et tous ses alliés sont pour un gouvernement mondial, ils devaient aussi, de leur côté, développer plusieurs organisations qui vont pouvoir, en fait, accomplir leur projet. Donc, eux, d'un point de vue, enfin, la première des choses, c'est quoi? C'est l'économie. Enfin, c'est l'argent. T'as pas d'économie, tu fais rien. Donc, au niveau économique, eux, ce qu'ils ont fait, ils ont créé le BRICS. Les banques, les groupes, bien sûr que si. Ils l'appréhendent tous. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces technologies, tout ce qu'on a entre les mains, ils s'en servent, en fait. C'est des outils qui peuvent s'en servir. Parce qu'eux ont des concepts différents. Cette monnaie numérique, ils sont tous d'accord. Elle existe à travers ou grâce, entre guillemets, à cette technologie. D'accord ? Donc, maintenant, c'est juste, eux, ont une autre manière, une autre vision du nouvel ordre mondial. Et ça aussi, c'est pareil. Je vais vous envoyer des vidéos. Je vais essayer de le trouver. Hein. Franchement, ça me fait... vous savez très bien, avec la volonté que je veux. La volonté est peut-être là, mais le temps, des fois, je n'en dispose pas suffisamment. Et je vais essayer de vous transmettre des vidéos où on va avoir l'ensemble des dirigeants du monde qui vont prononcer de leur propre bouche. Les dirigeants concernant le nouvel ordre mondial. Donc en fait, chacun, à un moment donné, dans son mandat et ainsi de suite, il va parler du nouvel ordre mondial et que c'est un objectif vers lequel ils vont. Maintenant, le nouvel ordre mondial, nous, dans notre tête, on se dit, mais si, c'est un projet comme ça, pourquoi ne le mettre pas en place? Parce qu'en fait, ils ne veulent pas brusquer, ils ne veulent pas y aller par la force. Ils veulent y aller en manipulant les esprits, les générations et avec les codes qui vont constituer donc, le système qui sera forcément imprégné du monde dans lequel on vit, des technologies, des sciences qu'on aura découvertes, comment s'appelle le soi-disant la médecine, tout ce qui est. Donc j'essaierai de vous envoyer tout ça, Inch'Allah. Donc le coronavirus, en soi, ce n'est qu'un moyen en plus de pouvoir affaiblir la Chine par rapport au fait qu'elle est un allié de taille avec la Russie pour arriver à cet objectif-là du nouvel ordre mondial multipolaire. Mais apparemment, selon certaines spécificités, ça ne fonctionne pas correctement. Et de toute façon, chaque information, il faut prendre le temps d'avoir d'autres éléments, de la laisser mûrir pour pouvoir essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Parce qu'on ne peut pas prendre des éléments, des actes, des effets, des situations indépendamment de ce qui est en train de se passer sur la durée. Parce qu'à un moment donné, ben, on va tout le temps être en train de changer de ligne de conduite ou de réflexion. Parce qu'en fait, l'information évolue tous les jours. Du coup, mais en fait, pourquoi je l'ai dit dès le départ, c'est pas une question que de coronavirus. Mais c'est pas que ça, en fait. Moi, j'essaie toujours de synthétiser et d'aller à l'essentiel. Et après, il y a des choses qui ne sont pas essentielles, qui ne sont pas bénéfiques pour vous, pour la majorité, parce qu'on a, hein, parce qu'il n'y a pas le temps, parce que, en fait, on a plein de raisons. Donc, le but, c'est, voilà, de vous expliquer finalement, en fait, la finalité de la chose. Et religieusement, que Allah en avait déjà parlé et qu'en fait, il leur a donné, quelque part, les moyens de s'autodétruire et d'alourdir leur compte Yom Al-Qiyama. Parce que finalement, leur projet, ils eux-mêmes sont manipulés par les shayatins, par Iblis avant tout, par l'Antéchrist et tous ceux qui le suivent. Donc en fait, toute cette mascarade qui dure depuis longtemps, tout est faux. L'histoire est fausse. La géographie, soi-disant, les cartes qu'on a dans le monde, les gens croient que le monde est comme, disposé comme on le voit dans la boule, c'est faux. C'est pas une terre ronde, c'est pas une terre ronde, ovale, comme une sphère. C'est faux. Ils n'ont jamais été dans l'espace. Ils ont, les cartes sont, comme je dis, voilà, sont fausses. L'histoire est fausse. Tout est faux. Pourquoi ? Parce qu'ils manipulent les esprits comme ils veulent à travers ça. Parce qu'à un moment donné, tu crois. Tu les crois eux plus que quiconque. Donc là, comme là, le coronavirus, bah, tout le monde, malheureusement, tombe dans le piège. Pourquoi ? Bah, parce que la seule source à laquelle tu te nourris, c'est eux. Et eux, tu ne sais pas ce qu'ils ont derrière la tête. Leur objectif, est-ce que tu le connais ? Est-ce qu'on n'a pas eu de vaccins beaucoup plus violents, de maladies beaucoup plus violentes que le coronavirus? Est-ce qu'on connaît réellement les pathologies du coronavirus et qu'on sait un peu son degré de nocivité en soi? Non. Mais on a des gens qui sont là pour nous dire tout un tas de choses. Pourquoi? Pour alimenter cette peur. Parce qu'à travers les peurs, tu fais ce que tu veux de qui tu veux. Voilà la preuve, le confinement total, tout le monde n'a pas bronché. D'une manière générale, même s'il reste quelques rebelles, entre guillemets, ou des gens qui ne veulent pas vraiment se confiner, ou partiellement, ou quoi. Mais en soi, tout le monde fait le. Donc, on voit très bien qu'ils manipulent déjà les esprits. Donc, tout ça, bien sûr, c'est pour instaurer une monnaie. Mais même le fait d'instaurer une monnaie, ce n'est pas la finalité. Donc, c'est là où on voit qu'en fait, ils sont eux-mêmes dominé, et c'est là où on voit la parole d'Allah lorsqu'il a dit « Ash-shaytan la'anatullah alayhi » et « Associe-toi à eux dans les biens et dans les et dans leurs enfants et enjolive-leur la vie et tiens-leur des propos et égare-les en gros si tu veux. » D'accord ? Donc en gros, Allah lui a donné cette opportunité. Encore une fois, il faut revenir à l'essence et à l'origine des choses pour essayer pour pouvoir avoir une compréhension un peu plus claire. Mais je ne dis pas objective à 100%, je ne prétends pas l'avoir, mais avec le temps, quand on voit que les choses se dessinent tout doucement, ben, alhamdoulilah, c'est un peu ce qui se passe. Donc, eux-mêmes sont manipulés, comme on voit au jour d'aujourd'hui, moi, par rapport au fait que j'ai eu à un moment donné un passage où voilà, je vois pas mal de gens, de différentes pathologies, et ainsi de suite. Alhamdoulilah, pour certains, ça avance vite ou moins vite, et ainsi de suite. Bref, d'une manière générale, je pense qu'il y a du résultat. Alhamdoulilah, et qu'Allah ajoute du bien et de la guérison à nos frères et sœurs, et dans le monde entier, amin. Je disais généralement à tout le monde, les gens qui me connaissent plus ou moins, que tout est lié au mal occulte, c'est-à-dire au djinn. Et avec le temps et au fur et à mesure, on a compris même qu'ils étaient reliés aussi à des maladies. Parce que j'en ai fait les frais, enfin, j'ai eu des cas comme ça, et là on a eu du résultat. Donc, ce coronavirus, Je sais pas s'il y a quelqu'un qui en a qui vient, je lui fasse une européenne, Inch'Allah. Comme ça, je vais expérimenter, je vais forcément trouver des chérapines au niveau du nez, au niveau de la bouche, au niveau de, comment ça s'appelle, des poumons. Et bihawlillah, deux, trois hijamas, quelques ruqya avec un petit traitement, avec un petit suivi, et Inch'Allah, c'est fini. Persuadé presque à 100%. Après, je garde 1% parce que voilà, je n'ai pas. Truc, mais je me dis, cette maladie, c'est pas une maladie pire que les autres. Donc, j'en suis sûr que par rapport à ce que j'ai pu rencontrer, ce qu'Allah a pu me faire voir, je pense qu'il y a forcément un lien. Mais bon, ça, je mets de côté. Donc, du coup, tout ça pour dire, en fait, il faut qu'on sorte de cette manipulation et de détruire ou d'enlever ces chaînes qui sont finalement dans notre esprit. Et c'est pour ça que je dis tous ces mensonges instituts dans lesquels ils nous ont baignés depuis qu'on est tout petit, c'est pour que justement ils puissent manipuler nos esprits. S'il y a quoi que ce soit, qu'ils prennent une décision, ou que soit disant il y a un état d'urgence ou ainsi de suite, et ben, nous on va interagir automatiquement. Donc bref, petite parenthèse, donc je vous disais en fait, voilà, ce qu'il faut, franchement, il ne faut pas rentrer dans leur jeu. Il faut essayer de prendre du recul, de s'élever, mais prendre du recul à partir du moment où on a des informations pour essayer de comprendre. C'est pour ça que je dis que, vu qu'il n'y a pas spécialement le temps de faire ce travail-là, il faut sincèrement commencer à réfléchir à qu'est-ce qu'on doit faire. Et quelle est la solution au jour d'aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il en est? Je vais vous dresser un peu au fur et à mesure le bilan, parce que je continue à suivre. J'essaie de donner encore un peu plus de temps qu'avant sur ces informations-là, parce que pour moi, on est arrivé. Donc, je disais qu'il y a forcément voilà, une démarche à suivre. Allah ne nous a pas abandonnés, et encore moins entre les mains de ses ennemis. Il nous a forcément donné des solutions, mais pour pouvoir atteindre ces solutions, il faut être conforme en fait à ce qu'il a révélé et ce qu'il nous a demandé d'emprunter la voie qu'il nous a demandé d'emprunter. Parce que c'est quand on lit certains versets dans le Coran, on voit finalement que les prophètes ainsi que ils ont vécu des situations extrêmement dures et difficiles. Ils ont été touchés dans leur fierté, dans leur honneur, dans beaucoup de choses. Pour certains, ils ont été tués ainsi. Mais le fait qu'il soit sur la voie droite, Allah a fait en sorte qu'à chaque fois, il secourt. Et de toute façon, ça, c'est une promesse qu'Allah a dit dans le Coran. Et c'est un devoir pour nous de secourir les croyants. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'Allah est un menteur? Non. Par contre, si je n'ai pas, ou je ne reçois pas, ou je ne ressens pas, ou je ne vois pas qu'il y a un secours, le problème, il vient de moi. Est-ce que je suis en conformité avec ce qu'Allah m'a demandé ou m'a enjoint de faire ou d'être? Voilà. C'est la réponse, en fait, elle est toute simple. C'est pour ça que je dis, de perdre son temps sur ça, c'est pas le moment. Là, c'est de faire un retour à Allah, de se repentir, ainsi de suite. En fait, le discours que certains prédicateurs ont eu par rapport au repentir, par rapport à ce qui se passe, c'est pas. Je suis d'accord avec eux. Mais le problème, voilà, quand on ne comprend pas, c'est pas qu'on n'a pas envie. Cette envie, ainsi de suite, qui va retomber. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne sait pas pourquoi on le fait. On n'est pas convaincu de la véracité des choses et du contenu de leur discours. Parce qu'ils sont complètement à côté de la plaque, encore une fois. Ils n'ont pas une seule fois fait un lien ou un rapprochement ou quoi que ce soit. C'est bizarre. Ouais. Par rapport à. Par rapport à comment ça s'appelle à ce sujet-là, comme je vous l'ai dit, l'urgence au jour d'aujourd'hui, c'est essayer de comprendre moi maintenant où est-ce que je me situe et qu'est-ce que je peux faire. Qu'est-ce qu'il en est réellement? Et ça, on va le voir au fur et à mesure. Qu'est-ce qu'il en est réellement? Parce que forcément, je vais peut-être vous un tableau qui n'est pas réjouissant, mais je me dois d'être honnête avec vous et de vous dire la réalité des choses. Donc, là, qu'Allah me facilite, mais c'est ce que j'ai prévu de partir très prochainement, dès qu'ils auront ouvert un peu les portes, parce que là, ça va être compliqué. va y avoir plein de mesures qui vont être mises en place hein, d'ici quelques jours, voire d'ici quelques semaines. Et ces mesures-là elles ne vont pas, disparaître. Elles vont permettre à ce que ce gouvernement-là, le monde entier, parce que ce sont des mesures qui sont appliquées dans d'autres pays, pour amener les investissements à ce gouvernement mondial, et à ce qu'il se retrouve dans une impasse, coincé. Donc on va avoir le test de masse, ensuite il y aura des vaccins. On va essayer de voir tout ça étape par étape. Donc, c'est pour ça que je vous dis que le coronavirus, ça ne sert à rien de se former sur le coronavirus en soi. J'espère que vous preniez, saurez prendre la bonne décision, parce que les informations sur ce qui va se passer éventuellement, après, notre au niveau de temps, je ne pourrais pas te dire, je ne pourrais pas vous dire, mais sincèrement, ça fait, pour celui qui a un peu peur, ça fait vraiment froid dans le dos. Donc, Inch'Allah, on verra. On verra, Inch'Allah. Donc, je vous disais, par rapport au coronavirus, c'est vraiment exploiter votre temps. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça va avoir un effet négatif sur vous. Vous allez être démoralisé, vous n'allez pas avoir envie de faire les choses, vous allez avoir une démotivation, et ainsi de suite. D'accord ? Donc, c'est pour ça que je vous dis, par contre, religieusement, et ainsi de suite, ça va vous donner une certaine force et une lucidité qu'Allah vous donnera. Donc, le coronavirus, c'est un virus qui a été créé par les services secrets pour différents objectifs, économiquement par rapport à la Chine, et d'un point de vue domination mondiale par rapport à ce qu'on avait dit, nouvel ordre mondial, et ce que le frère aussi Samuel a dit, pour imposer la monnaie électronique, mais avant tout, il y aura un krach boursier. Bref, en fait, il y a tellement d'objectifs que je ne pourrais pas vous citer et je ne pourrais pas m'attarder dessus. Comme je vous l'ai dit dernièrement, ça ne sert à rien. Comme d'autres actions ou comme d'autres faits qui vont se dérouler, ça ne sert à rien en fait de s'attarder sur l'action que sont en train de mener. Moi, j'aime bien aller directement à l'essentiel. Ouais, ok, il va se passer ça. Ça va être dur, ça va être violent, ça va faire mal, ouais. Mais c'est quoi la finalité ? On va où comme ça ? Voilà. Donc, le coronavirus, ce n'est pas un virus mortel en soi. C'est un virus, je vous avais fait plus ou moins un peu de détails la dernière fois. C'est un virus qui a été créé, donc, artificiellement, qui a été développé, qui a été répandu volontairement. C'est un virus qui a la capacité de muter, c'est-à-dire d'évoluer. Ça veut dire que ce virus-là, c'est malheureux, mais c'est pas fini. Oui, par rapport aux autres objectifs, parce que c'est vrai que voilà, tu as décidé certaines choses. Il y a aussi un truc que je vais vous dire, ça va vous faire peur, mais je vais vous donner tout ce que je vous dis, hein, je vais avec le temps vous donner des arguments. Là, le but, c'est vraiment déjà de vous apporter d'autres choses pour que vous sortiez un peu de cette psychose, entre guillemets, si vous l'êtes ou pas, du coronavirus. D'accord ? Et malheureusement, étant donné qu'on vit dedans, on va être un peu impacté. Mais le fait que nous, déjà, quand on se sépare ou quand on s'isole, on n'est plus touché par ce. On va avoir quand même des moments de répit. Donc, un des autres projets, je pense qu'il y en a peut-être certains qui sont au courant, c'est la dépopulation du monde. Donc, parce que parmi leurs plans du nouvel ordre mondial, c'est d'arriver, ou du moins que la population mondiale arrive à un certain seuil. Donc, toutes les guerres qu'on a pu voir, les guerres mondiales, la première, la deuxième, tout ce qui est censé, tout ce qui est venu après, bon, en termes de maladies, en termes d'infections, en termes de. Tout ça, c'est pour un seul et même objectif, c'est la dépopulation mondiale. Ce n'est pas une fiction, ce n'est pas de la spéculation, de la fabulation. Vous inquiétez pas, tout ce que je vous dis, quand on essaiera avec le temps, j'espère qu'Allah nous permettra d'avoir, on va dire, un peu plus de. Que les interventions seront un peu plus structurées, seront un peu plus thématiques. Ou là, je vous apporterai les sources. Et vous verrez que c'est pas. Attention, c'est pas des sources des gens d'aujourd'hui. Hein. C'est vraiment des gens sérieux, sincères dans leur démarche, et pour certains, la majorité sont morts. Donc le coronavirus, ce n'est pas un virus mortel, c'est un virus qui a été créé, c'est un virus qui peut muter, c'est un virus qui est sorti soi-disant des laboratoires de Chine, mais il n'y avait pas que des Chinois là-bas. Il y a plusieurs objectifs, d'accord ? Et si on pourrait le résumer en un mot, son objectif, c'est de passer un autre cap un autre cap qui va leur permettre d'arriver au gouvernement mondial. Voilà. Pourquoi en fait j'arrive directement à chaque fois au gouvernement mondial? Parce que ça y est, en fait, le gouvernement mondial, ça fait déjà qu'il est officieux. C'est-à-dire qu'il existe à travers les organes que je vous ai cités, l'ONU, l'OTAN, l'OMS, l'OMC, le FMI, bref, toutes ces institutions-là, toutes ces organisations-là. Pardon. Et ces organisations-là, elles existaient depuis longtemps. Et là, leur objectif, c'était de rentrer maintenant dans le nouvel ère. Parce qu'au niveau technologique, au niveau scientifique, au niveau énergie, au niveau économie, c'est bon, ils ont les moyens de... Et au niveau manipulation, surtout, ils ont une technologie qui a la capacité de manipuler. Pourquoi? Parce que toute cette technologie, quelque part, elle agit en fonction des fréquences et des ondes. D'accord? Nous, on a un corps qui est très sensible aux ondes électromagnétiques. D'accord? Et les chayatines sont des énergies et eux aussi sont très sensibles à ça. Ce qui fait qu'en fait, pourquoi au jour d'aujourd'hui, tout le monde est quelque part à un mal occulte assez prononcé, à part ceux qui sont déjà dans un soin ou qui sont dans un cheminement et qui, au niveau croyance, au niveau ilm, au niveau ibada, et ainsi de suite, il a un certain programme, on va dire, ou une certaine routine, et ben Allah fera en sorte que cette personne-là va être moins touchée ou aura moins d'influence. Par contre, les autres, malheureusement, c'est pas parce qu'ils sont mauvais, c'est pas parce qu'ils sont pas gentils, c'est pas parce que ils sont pas selon ces critères-là qu'Allah a défini. C'est on est dans ce moment et dans ce laps de temps. Allah nous a créés, nous a mis dans cette époque-là. Donc maintenant, à nous de nous armer de science et de connaissances et d'action pour pouvoir trouver un chemin. Parce que le chemin, le fait de rester dans ce monde, eh ben Allah leur a donné en fait ces outils-là. Elle leur a donné cette dernière partie à jouer. Donc c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de jouer leur dernière partie. C'est pour ça que là tout le monde en fait partie, parce que ça concerne tout le monde. D'accord. Donc le nouvel ordre mondial. Pourquoi j'arrive vite à ça, c'est que en fait le coronavirus va être un bon moyen pour eux d'exploiter et de voir un peu la réaction des gens à échelle mondiale d'un point de vue réactivité ou réceptivité. C'est-à-dire, est-ce que les gens sont réceptifs et ils agissent ou pas? D'accord? Donc ça, c'est un moyen. Et après, comme on a dit, Samir, en institut, ils vont détruire plein de choses autour, en fait. Parce que le but, ce n'est pas qu'une expérience. C'est pour nous amener au nouvel ordre mondial. Mais ça sera étape par étape. C'est pas Jacques Attali, je ne sais pas si vous connaissez Jacques Attali, vous avez qu'à taper sur Internet, vous saurez peut-être à peu près le profil, mais vous ne saurez pas réellement son lisant. Enfin, oui, c'est un chayatan humain. Et bien lui, il a dit quoi? Il n'y a pas mieux pour arriver à un gouvernement mondial, qu'une pandémie mondiale. Et ça, il l'a dit il y a quelques années. Non mais attends, à un moment donné, il faut se poser des questions. Après, on a des signes partout, à travers les séries, à travers tout ce qui est Netflix. Là, dernièrement, ils sortent que des séries, mais subhanallah. Et donc, le gars qui travaille, c'est celui qui a créé ça, si c'est pas un sataniste avéré, affirmé, confirmé, je vois pas c'est quoi. C'est-à-dire qu'ils sont en train de préparer les esprits à vivre ces temps-là. On a dans plein de films de fiction, dans plein de films de soi-disant d'aventure, et ainsi de suite, plein de messages subliminaux de ce qui va arriver. On avait dans les dessins animés, ainsi de suite, toute cette culture en fait, qui nous amenait à ce qu'il y ait un chaos, à ce qu'il y ait. On va arriver à une certaine technologie, on va arriver à un certain. Voilà. Subhanallah. Oui, Matrix, c'est en fait tout. En fait, pratiquement tout. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, cette technologie, ils nous l'ont fait passer comme quelque chose de, pour se divertir, pour passer du temps, pour des loisirs. Alors que non, tout ça n'est fait que pour plusieurs objectifs, je ne vais pas les citer, mais l'objectif final, c'est d'amener les gens, finalement, voilà, à accepter, à suivre. C'est tout. Et après, ça va créer plein d'autres mots, hein, attention. Des problèmes neurologiques, comportementaux, de plein de nouvelles maladies, neurodégénératives, comment on s'appelle. En fait, tout le bazar qu'on a dans le monde. Voilà. La dépravation, et j'en passe. Donc, leur objectif à travers le coronavirus n'est pas de, que de faire, comment s'appelle, d'abattre la Chine ou de la mettre à genoux. Quoi. Elle a plusieurs objectifs. D'accord. Et c'est vrai que là, l'impact qu'on a direct avec le coronavirus, ce n'est pas les patients. C'est l'économie. L'économie est en train de prendre un coup, mais d'une violence. On essaiera de faire un pas. Je vous ai envoyé, il me semble, la chaîne de quelqu'un, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, je crois que sa chaîne c'est Partager, c'est sympa. Franchement, écoutez-le. C'est un économiste, un très jeune économiste, mais qui à un moment donné s'est rendu compte que, voilà, donc il a commencé à être, ou à faire partie des activistes, donc d'éveiller et de réveiller les gens. Attention, tous les liens que je vous donne et ainsi de suite, c'est à prendre avec des pincettes. Ce n'est pas à tout. Moi, je n'avale pas tout ce qu'ils me disent, mais je garde ces informations-là dans un coin de ma tête, je réfléchis, j'observe, je regarde le monde dans lequel on vit. Bien sûr, on demande à Allah al-Tawfiq, la réussite dans la compréhension des choses, et on laisse le temps nous amener d'autres éléments pour mieux apprécier la situation. Et donc, le vrai choc, c'est l'économie. Je ne vais pas m'attarder sur ça, on verra plus tard, parce qu'aujourd'hui, on a dit que c'était le coronavirus. Donc, le coronavirus, je vous ai dit ce qu'il en était, c'est une maladie, enfin, c'est un virus qui a été développé à partir d'autres virus. D'accord. Et donc, ce virus-là, il a, comment ça s'appelle, il a, bon, je ne vais pas, je pense que vous l'avez tous vu, la manière dont il se manifeste, voilà, par rapport à pas mal de symptômes, voilà. Donc, je ne vais pas les citer. Subhanallah. En même temps, on a eu un docteur, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, parce qu'en soi, sincèrement, de trouver des solutions, moi, je ne calcule même pas le coronavirus. Hein. Wallahi, je ne le regarde. Je regarde même pas les infos. Et même quand des fois, bon, vu que je travaille, il y a amené à acheter un truc ou quoi, je ne fais même pas attention, je fais la queue comme d'habitude, et ainsi de suite, et les gens, ils me regardent bizarrement. Mais bon, tout ça pour dire que le vrai problème, ce n'est pas ce qu'ils sont en train de nous mettre en place, c'est ce qu'ils sont en train de préparer derrière. Et le coronavirus, en soi, celui qui a une bonne alimentation, celui qui a une bonne hygiène de vie, celui qui fait un peu de sport pour dégager pas mal de toxines, et ainsi de suite. Et bien sûr, on ne parle pas de l'aspect religieux, l'ibada, et ainsi de suite, et les adorations, les invocations, et ainsi de suite. Craindre quoi? Donc, voilà, le coronavirus, en soi, c'est vrai qu'il a des symptômes qui sont un peu gênants, qui se rapprochent beaucoup de la grippe, fièvre avec les bronches encombrées, ainsi de suite. Donc le coronavirus, en soi, je vous dis une chose, arrêtez de regarder, parce que les chayatines en même temps qui sont là, ou avec nous, ou à l'extérieur de nous, vont essayer d'amplifier cette peur, et automatiquement, ça crée des effets, ça crée des actions. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit évitez. Pourquoi? Parce que ça va peut-être prédisposer votre corps à avoir cette maladie. Par contre, il y a des... En fait, le problème, c'est qu'ils nous mettent... Regardez. Ils nous mettent la pression sur ça. Vous savez, le docteur, là, Raoul, je ne sais pas quoi. Ce n'est pas un charlatan. C'est un chercheur et un médecin. Et il a parlé de certes, moi je ne me suis même pas encore renseigné sur ça, parce que, en soi, comme je vous l'ai dit plus haut, un petit traitement de quelques temps avec des ruqyas intensives et avec, comment on s'appelle, des hijamas et ainsi de suite, mais wallah que ça part. C'est... Encore une fois, ils mettent la peur dans le cœur des gens parce que les gens ont peur de la mort. Première des choses. Et c'est une faille qu'Allah, que le prophète Sansam nous a mentionné dans un hadith, en disant pourquoi en fait on va être si faible à cette époque-là. Il a dit deux choses, ou une troisième chose plutôt. Hubbuddunya, aimer cette vie, wa karahiyat al-maut, et avoir peur, et non de détester la mort. C'est comme ça qu'ils nous ont nos ennemis. Alors que, normalement, ce n'était pas le cas des sahaba et de ceux qui les ont suivis. Tu vois ? Donc, c'est pour ça que, comme je disais tout à l'heure, c'est aussi une constitution, du moins une préserve, des précautions d'un point de vue religieux, d'un point de vue idéologique, d'un point de vue ibada, d'un point de vue tawhid. Et au jour d'aujourd'hui, ça, c'est parce qu'en fait, on vit avec eux. Donc, en fait, on absorbe leur énergie négative, leur peur, leur panique, et ainsi de suite. Et du coup, on est comme eux. On est comme eux, on réagit comme eux. À un moment donné, il faut s'arrêter. Attends, c'est quoi ça? Je suis qui? Je suis quoi? C'est quoi ma croyance, en fait? À quoi elle m'appelle, ma croyance? Et comme on l'a... Il ne faut pas oublier que, encore une fois, la croyance, c'est une ibada en soi. Par exemple, de croire que Allah, il n'y a que Allah qui... Je l'adore, Allah, en fait, juste dans cette... Dans cette intention-là ou dans cette réflexion-là. Et ça rentre dans quoi ? Dans le tawhid al-rububiyya, que c'est lui qui administre tout, c'est lui qui gère tout, c'est lui qui décide tout, c'est lui qui décrète tout. Donc j'adore Allah dans ça, et je me soumets à lui. Donc je l'adore. Donc, bien sûr que les vieux sont très fragilisés et ils sont beaucoup plus, touchés. La chose qui domine dans notre esprit, dans notre cœur surtout, c'est ce monde, cette dunya, c'est kuffar, c'est pas Allah. Allah, c'est pas méchant ce que je vais dire, autant pour moi que pour vous. Allah, il est pas dans notre cœur, il est dans notre langue, il est sur notre langue. Et tant qu'on le fera pas rentrer, il donnera toujours le dessus à nos ennemis sur nous. C'est tout. Donc, celui qui l'a, en fait, c'est pas il s'en fout de la vie. Mais il sait que de toute façon, que tu fasses comme ça, ça va te tomber dessus ou pas? Oui, ok. Donc maintenant, ok, fais les causes, mais ne panique pas plus que ça. Ça sert à quoi? Ça se trouve, tu as fait tes causes, tu vas faire ton vaccin, tu vas sortir, tu vas te manger un bus. Et quand il y a des vaccins contre... Excusez-moi Ça, c'est ironique un peu, peut-être, mais... C'est une réalité, c'est triste. On devrait normalement se conditionner. Normalement, subhanallah, c'est parce qu'on est encore une fois loin de notre dîme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, combien de fois il nous a appelé au zuhd, à l'ascétisme, de délaisser cette dunya? Combien de fois il nous a dit pensez souvent au destructeur des plaisirs, qui est la mort, et ainsi de suite? Non, nous au contraire. On a la langue qui tombe et qui fait 4 km avec, excusez-moi, de la bave. Dès qu'on voit un peu d'argent, dès qu'on voit un bijou, dès qu'on voit une voiture, dès qu'on voit une femme ou dès qu'une femme voit un homme, ou dès qu'on est dans des décors paradisiaques, je vais décorer ma maison avec tel truc, ainsi de suite. Voilà notre vie. Voilà. En fait, le travail, il a à faire déjà pour nous-mêmes, pour qu'après, Allah nous donne cette force. Parce que quand on dit « la hawla wa la quwwata illa billah », il n'y a de puissance ni de force qu'en Allah, mais elle est aussi dans ça. Elle est aussi dans ça. Et quand on dit Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la, dit ma vie, Inna salati, dit ma prière, wa nusuki mes sacrifices, wa mahyaya wa mamati, ma vie et ma mort, lillahi rabbil alamin la sharika la, appartient à Allah, le Seigneur de l'univers, aucun associé. Ça implique quoi là? Non, là on n'est pas en train de dire ma vie et ma mort appartient à Allah. Non, elle nous on pense qu'elle nous appartient, on se l'est accaparé, et du coup on croit qu'on a un droit de décision, et du coup, dès qu'il y a quelque chose qui nous menace, et voilà, on est en panique. Je ne parle même pas des musulmans qui vont mécroire, ils vont dire c'est quoi ça encore? Ils, sans même se rendre compte, ils vont dire de la mécréance. C'est quoi le problème? On ne connaît pas notre dîme. Et donc la suite du hadith concernant tout à l'heure hubb ad-dunya, aimer la vie, wa karahiyat al-maut, détester la mort, wa taraktum al-jihad fi sabilillah, vous avez délaissé le jihad fi sabilillah. Après Allah il dit quoi? Sallatallahu alaykum aduwakum. Allah va faire en sorte qu'il va envoyer vos ennemis sur vous. Ça, c'est un châtiment qu'on est en train de vivre. Pas que, je parle pas du coronavirus, hein. Je parle d'une manière générale, la domination du monde musulman, des musulmans, et surtout de leur idéologie et de leurs croyances. Mais c'est incroyable. Pourquoi ? Parce que voilà. Et après, la condition que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit pour que Allah nous redonne le dessus, déjà envers nous-mêmes, et la condition, c'est quoi ? C'est hatta tarji'u ila dinikum, jusqu'à ce que vous reveniez à votre religion. L'inversion des forces, ça va se faire qu'à ce moment-là. C'est-à-dire que si nous continuons à suivre cette manipulation mentale et ainsi de suite, ben, il n'y aura rien du tout. Il faut subir et il faut s'attendre à des moments pires encore. Sallallahu alaykum dhullan, na'am. Donc, vous voyez, en fait, ce qui se passe, ce n'est pas une question que de coronavirus, et l'objectif de ce groupe, ça va être un peu ça, en fait, c'est d'essayer de comprendre un peu religieusement notre état, pour qu'on en ait individuellement ou à l'échelle, commune, enfin tout le monde, et après aussi de traiter surtout des sujets d'actualité, et de comprendre en fait finalement pourquoi ils sont pas forts, ils sont pas intelligents, mais on arrive dans un laps de temps où Allah leur a donné des outils pour qu'ils accomplissent un projet. Bah, parce que c'est comme ça qu'Allah a décrété les choses. Et que la fin, elle va être, ils vont pouvoir obtenir un maximum de résultats maintenant, parce qu'après, il n'y a plus d'enjeu, en fait. Une fois que les grands signes commencent à tomber et passent, et finissent, ou s'apprêtent à finir, c'est fini. Je dirais même au plein milieu, à partir du moment où Allah va décider qu'il n'y a plus de repentir en faisant en sorte que le soleil se lève à l'opposé d'où il se lève aujourd'hui, il n'y a plus de repentir. Ça veut dire qu'en fait, égaré ou pas égaré, je te tente, ça ne va rien changer du tout. C'est fini. L'histoire, elle est finie. Et même, il y a un autre hadith où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi ? Il a dit que préservez-vous, ou badiru bil a'mal as-salihah qabla zaman al-fitan, accomplissez beaucoup d'œuvres salutaires avant les périodes de troubles. Pourquoi ? Parce que ça sera un moment où on n'aura pas le temps, comme c'est le cas au jour d'aujourd'hui. On n'aura pas le temps, on sera tellement pris par les événements, par les vagues de situations qui vont être de plus en plus violentes, ben, t'as pas le temps. Tu auras le temps à peine de chercher à sauver ta peau, de nourrir ta famille, tes enfants, tes parents, de te mettre en sécurité. Tu n'auras pas le temps, tu n'auras pas tout le confort, tu n'auras pas tout la tranquillité que dont on jouit aujourd'hui. Et autre chose, c'est que Amine, donc désolé, des fois je regarde un peu les messages et ça me fait rire. Donc, je disais, finalement, ce qui est en train de se passer avant qu'il y ait un changement extérieur, Allah il nous donne toute la démarche à suivre pour que déjà nous, on puisse se mettre en sécurité. Et la première des choses, c'est de se réformer. Comme Allah il dit dans un verset qu'il ne réforme un peuple que lorsque le peuple, chaque individu se réforme ou est dans cette étape de réforme. Donc le coronavirus, on va finir dans quelques 5-10 minutes, Inch'Allah, on va finir. Le coronavirus, comme je vous l'ai dit, oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est un virus qui a des effets. Je ne dis pas le contraire, comme la sœur l'a dit, c'est un fait. Ce confinement et ainsi de suite, il n'est pas fait comme ça au hasard, et même si en soi il peut y avoir quelques bénéfices pour certaines personnes, certes, mais leur objectif ce n'est pas de préserver la santé des gens, parce qu'ils ont créé le virus. Dans quelques temps, ils vont nous proposer un virus pour soigner. Vous le verrez, bi'idhnillah. Donc, il y a certainement aussi une affaire de sous, mais il y a une affaire de tout, en fait. Donc, quand on va arriver à cette phase-là, vous allez voir, vous allez voir que vous allez voir, enfin, Inch'Allah, vous allez commencer à être forcé de voir les choses différemment. Et ça va commencer à susciter plein de questionnements. Inch'Allah ta'ala. Donc le coronavirus, il fait beaucoup de dégâts, c'est vrai, chez les personnes âgées. Chez les personnes âgées, c'est chez les personnes qui ont un système immunitaire très faible. Chez soi-disant les enfants, mais il y a des contradictions avec certains spécialistes qui disent que non, ça dépend en fait de la constitution de l'enfant, s'il présente déjà des pathologies. D'accord ? Et pourquoi, à votre avis, subhanallah, ils vous parlent, où ils ont donné les règles à suivre ? Et quand on les regarde, c'est juste des règles de bon sens et d'hygiène. Et nous, en tant que musulmans, normalement, on les a. Si on ne les a pas, bah, c'est le bon moment pour s'y mettre. Oui, les enfants, il n'y a pas de cas, mais justement, je ne sais pas si tu as fait attention, ils essayent de parler, ils essayent de beaucoup mettre ça en avant. D'ailleurs, pourquoi ? Certes, il fait des dégâts, je ne dis pas le contraire. Il y a des cas, c'est pas des cas mythos, enfin c'est pas du mensonge, mais il faut voir qu'est-ce qu'il présente déjà comme faiblesse d'un point de vue système immunitaire et en fait il y a plein d'autres choses en fait, si ils sont vaccinés, ils prennent beaucoup de médicaments. Et en fait, il y a plein de causes que, bien sûr, que vous n'entendrez pas, à la télé, parce que sinon, ça remettrait en cause leur institution médicale. Donc, ça, c'est un fait. Et les enfants, en fait, il y a justement, comment se fait-il qu'ils ont mis la première des dispositions qu'ils ont prises? Ça a été de fermer les écoles, les crèches et ainsi de suite. Alors que normalement, ils prétendent que bah, justement, c'est ce que en même temps tu avais mis que les enfants et les personnes âgées sont les plus vulnérables. Mais ils se basent sur quoi ? Wallah, je vous conseille, hein, je vous l'ai transmis, je voulais partager un livre de Claire Sévrac qui s'appelle La guerre contre la santé. Lisez-le et vous allez le voir. Et elle n'a pas fait que ce livre-là. Elle a fait d'autres livres. Mais vous allez voir le monde différent, Inch'Allah, bihaoulillah. Oui, je te l'ai envoyé. Après, je ne sais pas s'il y a tous ceux qui sont présents là, je leur ai envoyé. Mais il y en a certains, je pense que je ne l'ai pas envoyé. Il y a d'autres livres, il y a d'autres titres. Après, c'est une question de temps. Je ne peux pas en faire mon travail ou me consacrer à 100% parce qu'après, ben, il faut bien qu'on travaille pour subvenir à ses besoins et ceux de sa famille. Donc, voilà. Donc, en tous les cas, ce virus-là, nous, on n'a pas à... En fait, ce que je veux dire par là, on n'a pas à prendre plus de précautions que ça parce qu'ils nous l'ont dit ou parce que... Parce qu'à la base, déjà, notre religion, elle nous invite à la propreté, à l'hygiène. On fait attention. Où est-ce qu'on met les pieds ? On se lave, on rentre, on a des codes quand même. En tous les cas, oui, malheureusement, ils l'ont tué, pas que elle, mais je peux vous en citer des noms et des noms et des noms. En fait, le problème, c'est quoi ? C'est que les versions d'histoire qu'on a en fonction, que ce soit des catastrophes, ou des gens qui sont morts, on a une version qui est fausse, il faut que vous le compreniez. Elle est vraiment fausse, c'est tout ce que vous avez pu apprendre, que ce soit à l'école ou dans le monde dans lequel on vit au jour d'aujourd'hui, c'est faux. Je vais vous donner un exemple rapide pour caricaturer un peu le monde dans lequel on est, nous tous. Bon, là, j'ai essayé de m'extirper de ce monde-là au fur et à mesure des années, et c'est pas facile parce qu'en même temps, il faut faire un tri sur son entourage, en fait. Parce que sinon, malheureusement, tout le monde est endoctriné, et si on veut continuer à cheminer, malheureusement, il faut marcher seul. C'est pour celui qui a des enfants, qui a de la famille, qui sont un peu dans la même dynamique. Alhamdoulilah, c'est bien, ça fait un réconfort, quelqu'un à qui on peut parler. Sinon, on va se sentir un peu seul. Donc, c'est vrai, c'est même d'autres personnes, elles ont fait beaucoup de travail, elles ont consacré beaucoup de temps. Et elles, d'ailleurs, en fait, c'est à la suite des effets secondaires, suite à un vaccin, sur son enfant, qu'elle a commencé à se poser des questions et qu'elle a commencé à essayer de comprendre les corrélations, enfin de voir et de comprendre le pourquoi du comment. De là, ça l'a poussé à faire des recherches. Et depuis, quand elle a vu ce qu'elle a vu, elle est tombée de haut et elle a continué dans ce sens-là jusqu'à ce que, au fur et à mesure de son travail et de tout ce qu'elle a pu fournir, à un moment donné, ils l'ont tué. Enfin, ils l'ont pas tué. Très subtilement. Pas que elle, mais plusieurs. Il y en a encore dernièrement. Là, je pense qu'il y en a un qui va pas tarder à sauter. Je vous le conseille aussi. Il a écrit des livres, même si c'est pas en soi un auteur. Il s'est quand même appliqué à faire des choses lisibles et profitables. Je pense que vous avez entendu parler. Faites pas attention à son contenu, à son discours, aux termes qu'il emploie. Je suis désolé, m'excuse. Je ne suis pas garant de ce qui, enfin, des mots qui sont des fois employés ou voilà. Il s'appelle Gérard, si je ne me trompe pas, Forêt. Son pseudo, c'est plutôt moi le dealer de Paris. Vous allez voir, en fait, c'est dans pas longtemps, c'est pareil, avec tout ce qu'il fait comme divulgation dans tous les domaines, et ça touche. C'est énorme. On avait dernièrement aussi l'affaire Einstein, mais je crois qu'on ne se rend pas compte dans quel monde on est. Donc le film que je vous dis, qui résume un peu chacun de vous, c'est le film, je ne me rappelle plus si c'est le petit, mais je ne regarde pas les films, je ne regarde pas la télé, j'en ai pas. Mais ça, c'était ce qu'on avait regardé avant. Et en fait, je ne sais pas si c'est bon. Je pense que c'est pareil pour certains de vous. On va avoir des effets, on va avoir des moments marquants dans notre tête. Et en fait, ce film, il me semble qu'il s'appelle Seul au monde. C'est un film de Jim Carrey. Et en fait, tapez le film. En soi, il n'est pas un truc. Regardez-le éventuellement, mais rapidement si vous voulez. Et vous allez voir, en fait, c'est exactement ce qui se passe. En fait, il est né dans un mensonge toute sa vie. Il a grandi avec un monde qui s'est construit artificiellement autour de lui. En fait, c'est un nouveau concept de télé-réalité. En fait, le monde le suivait en fait sa vie sans qu'il le sache. C'est lui en pensant qu'il vit sa vie, en fait. Normalement, naturellement. Il a le temps, les enfants, il va au travail, il va en vacances, et ainsi de suite. Mais en fait, c'est la télé-réalité. Jusqu'au point où, à un moment donné, avec des événements assez violents, assez forts dans sa vie, il a voulu prendre le large, mais à un moment donné, il a vu que le large, il n'y avait pas de large. Donc là, il a commencé à comprendre. Donc c'est un peu ce qui se passe pour nous, comme quand j'en ai peut-être pas parlé à tout le monde, que ce soit l'Antarctique, comme je dis, le fait que la Terre n'est pas ronde, mais elle n'est pas sphérique, mais elle est ronde et plate, et qu'il n'y a pas d'Antarctique, qu'en fait il y a un bloc de glace qui fait je ne sais pas combien de mètres de hauteur, et qu'il est infranchissable avec des températures impossibles à pénétrer, et que franchement il y a des informations, ça va vous changer votre conception des choses. Vous allez replonger, on va dire, à l'origine de ce que vous étiez. Et vous allez essayer de je pense, avec le temps, pour celui qui veut essayer de se réapproprier son cœur, son esprit et son intelligence, il va commencer à faire des travaux à ce niveau-là. On va essayer, on demande à Allah qu'il nous facilite dans cette tâche. Et comme j'ai dit, qu'il fasse en sorte qu'il nous facilite pour que ça soit aussi structuré et thématique. Et derrière, il y aura des sources, on va dire, qui sont liées à ça. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, là, on est plus dans une urgence. Il ne faut pas trop s'encombrer avec tout ça, surtout la situation dans laquelle on est, mais commencer au moins à réfléchir là, réellement pour chacun et sa santé, enfin, sa survie, entre guillemets. Parce que c'est ce qui va se passer quand on va... En fait, la majorité des gens qui sont dans le domaine de l'information, on va dire des dissidents et ainsi de suite, il y a beaucoup de choses qui peuvent être intéressantes. Tu vois, il y a beaucoup de choses qui peuvent être intéressantes. Par contre, si on n'a pas des gens avertis et un minimum cultivés qui ont, ça fait un moment cheminé dans ce, vous allez, ça va être compliqué. liens, les trucs. Et en fait, ces informations-là, il faut avoir quand même un minimum et ça prend du temps. Alhamdulillah, ça fait je le fais. Du coup, on va dire qu'il y a du recul. Je ne me suis pas précipité sur certaines informations. Je n'en ai pas fait non plus une da'wa en soi. Voilà. Mais vu qu'avec le temps, tout s'est plus ou moins confirmé, bah, à un moment donné, voilà. On sait où est-ce qu'on va puendre, on va prendre nos informations ou pas. Oui. Donc, du coup, pour le coronavirus, comme je dis, essayez d'arrêter de vous polluer l'esprit avec ces informations-là. Donc, je disais, le coronavirus, bien sûr, je ne vais pas vous dire de ne pas prendre vos précautions. Bien sûr, faites quelques provisions. La dernière fois, je vous ai dit de ne pas en faire. Ce que je veux dire par là, c'est de ne pas rentrer dans une hystérie comme la majorité de ce qui se passe. Franchement, évitez ces endroits-là. Si vous pouvez sortir un peu plus de la zone où est-ce que vous faites vos courses, vous verrez que vous pouvez trouver des choses sans vous bagarrer, sans batailler. Faire un minimum, mais ça, c'est des solutions à court terme. À long terme, ce n'est pas ce qui va se passer. Donc, le coronavirus, voilà ce qu'il en est. C'est un virus qui a un effet, certes, sur certaines personnes qui montrent déjà des failles ou des déficiences d'un point de vue système immunitaire ou qui ont déjà des antécédents au niveau maladie et du coup qui sont très fragiles. Donc oui, il faut faire attention. À la rigueur, s'il y a des gens comme ça, je peux essayer de donner quelques conseils pour essayer de restimuler ou augmenter le système immunitaire ou d'avoir quelques conseils à suivre pour prévenir ou ralentir ou de repousser cette maladie. Après, alors, je ne pense pas que ça vous concerne. Si c'est le cas, j'aimerais bien expérimenter, faire quelques roquettes. Je pense que je trouverai forcément quelques serpents derrière cachés par rapport à ça. Et j'en suis presque sûr. D'après ce que j'ai pu rencontrer jusqu'à maintenant, suite aux différents cas auxquels j'ai pu faire face. Et après, encore une fois, il ne faut pas oublier une chose, c'est que Al-Masih, son arme ou la plus efficace ou la plus aiguisée, ça va être les djinns. Donc, c'est pour ça qu'on comprend un peu mieux au jour d'aujourd'hui les djinns, leur relation, enfin, leur impact ou leur présence dans notre monde. Et même dans chaque individu. Donc, en fait, tout ça, oui, manger des légumes et des fruits, oui, mais il y a une manière de les manger. La manière dont on les mange, ce n'est pas la manière la plus adéquate. Après, de toute façon, nous, on a une croyance, c'est que Allah est guéri de tout, sauf la mort. Maintenant, il faut chercher. Si on tombe malade, eh bien, on va voir, en fonction des symptômes, en fonction de comment la personne vit la vie, après, chercher. C'est ça. Les fruits, c'est avant les repas. Et après, il y a donc le coronavirus, prenez vos précautions. Enfin, même pas prenez vos précautions. Vous les prenez déjà normalement en tant que musulman. Vous rentrez chez vous, vous lavez les mains. Enfin, je ne vais pas vous faire votre éducation. Et si elle n'est pas faite, cette religion est nous éduque aussi. Si on ne sait pas, on a eu un comportement un peu sauvage, un peu animal, malheureusement pour certains ou pour certaines, ils nous avaient trop tard pour changer. Et on ne les a pas attendus comment s'appelle, pour montrer la bonne manière à tout, ou l'hygiène, ou le bon comportement. Et d'ailleurs, je n'ai pas encore eu le temps d'approfondir, parce que je travaille avec toutes ces informations, et j'essaie de voir en fait sur d'autres axes, mais selon certains docteurs musulmans, pas dans le monde arabe, pas dans le monde français, pas en France, bien sûr, alors, il y a certains médecins qui ont dit, musulmans, non, que les musulmans qui sont assez regardants sur leurs pratiques et leur hygiène, ainsi de suite, c'est presque sûr de faire là qu'ils ne vont pas l'attraper. Voilà. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà, on va dire, des défenses qui sont prêtes, ils sont en bonne santé, ils ont une bonne alimentation, ils ont une bonne hygiène. Et ce virus n'est pas un virus très puissant en soi. On a des virus, des spécialistes français, on a des virus qui sont beaucoup plus virulents et beaucoup plus violents que celui-là. Mais la particularité de ce virus-là, je sais pas si vous avez fait attention, c'est qu'il a un impact mondial. Alors qu'on a eu d'autres virus, et certains virus qui sont encore existants, et qui sont aussi comment s'appelle, contagieux, ils n'ont pas cet impact-là, ou enfin cet effet-là à échelle d'un point de vue mondial. Donc là, on voit qu'ils veulent nous amener en fait à un concept où tout le monde aura une seule et même voix. Parce que demain, les gens sont censés appeler un nouvel ordre mondial par rapport à toute cette décadence politique, économique, sanitaire, énergétique, scientifique, technologique, des guerres, et ainsi de suite. Donc, là, on verra pour échanger en fonction des sources et des thèmes qui seront abordés. Inch'Allah. Coronavirus, le coronavirus. Pour ceux qui n'ont pas encore pris ou qui n'ont pas encore cette habitude-là, prenez des précautions, pas spécialement au point où ils nous sont en train de nous marteler l'esprit, ainsi de suite avec. Celui qui veut faire quelques courses, qu'il en fasse, histoire d'eux. Le mieux, ça serait de sortir un peu de la zone où est-ce que vous êtes, parce que vous allez moins galérer, comme je vous l'ai dit. Troisième des choses, vous êtes en confinement, profitez de votre retour à Allah, profitez de passer du temps à parler avec votre créateur, demander ce que vous souhaitez demander, mais voilà, c'est la guidée avant tout, la compréhension et de nous orienter dans ces moments troubles. Donc, voilà tous les conseils que je vous donne. Bon, c'est une bonne hygiène. Celui qui ne l'a pas, qui essaie de l'avoir et d'avoir des bons réflexes. Au niveau alimentaire, d'avoir une alimentation assez saine, de faire un peu de sport. Enfin, de sport, quand on dit sport, ça peut se faire à travers des applications. Tu fais ça chez toi pour ta fenêtre. Un peu là, il commence à faire beau. Et voilà. Non, en fait, c'est pas que tu peux pas t'isoler, c'est que le problème, c'est qu'étant donné qu'ils ont mis en place un dispositif, tu vas te mettre dans des problèmes d'un point de vue au niveau de l'État. Ils vont te mettre des amendes, ils vont te dire que le truc, mais qu'en soit, sincèrement, non. Si tu as ces précautions, comme on vient de citer, non, j'ai dit, il y a des médecins musulmans qui disent que cette maladie, en soi, ne touche pas. Donc, ce qui se passe dans nos bleds, c'est juste que, encore une fois, comme j'ai dit juste un peu avant, c'est qu'on voit par rapport au fait que le monde est synchronisé par rapport à ces soi-disant symptômes, tout le monde réagit de la même manière, plus ou moins. Confinement total, le monde entier, ainsi de suite. Donc, on est en train d'arriver à un bouleversement. Donc, voilà, la maladie du coronavirus, le virus en soi, je vais rapidement finir sur ça et ça sera développé d'ici ce week-end. Il faut savoir une chose, encore une fois, prenez donc beaucoup le temps de méditer, de prendre ce temps comme une retraite spirituelle et de renouer avec Allah et ainsi de suite, de faire des causes. Et bon, je suis désolé, on continuera au niveau des cours, hein, comme on continue les cours d'un point de vue shara'i. Et sincèrement, réfléchissez à votre situation, où est-ce que vous en êtes. Et qu'est-ce qu'il faut... réfléchissez, tout simplement. Le coronavirus, là, je vais peut-être pas me faire rire, mais le coronavirus, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un virus qui mute. Et là, il est en phase de mutation. Et au bout de quelques semaines, on va avoir des cas de plus en plus violents et virulents. On va avoir on va avoir de plus en plus de décès et ainsi de suite. En même temps, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là au jour d'aujourd'hui, parce qu'ils sont déjà conscients de cette réalité-là. Encore une fois, ça c'est des opportunistes, c'est-à-dire qu'ils se servent de ces effets pour pouvoir légiférer des lois liberticides et tout doucement arriver à, comme je disais tout à l'heure, au totalitarisme et la dictature finale. Donc, cette maladie est en train de justement muter et elle va être un peu plus violente pour que eux puissent justement légiférer, comme je disais tout à l'heure, et leur légitimer tout ça. Avant la vaccination, ils parlent déjà de tests de masse. Et ça, ils ont déjà commencé dans des pays. C'est exactement ce qui va se passer. Et derrière ces vaccinations, on se demande est-ce qu'ils ne vont pas nous mettre des puces ou des micro-puces, parce que ça a été dans des plein de salons technologie, high-tech, je ne sais pas quoi, ils ont développé des choses, que ce soit Google, ça soit des... Tu ne la vois même pas, en fait. Tu ne la vois même pas, la puce. Et sans même le savoir, bah, tu commences déjà à avoir plein de composants dans ton corps qui vont leur permettre de continuer leur travail, tout simplement, et d'influencer les gens, leur comportement et leur esprit, ainsi. Bref. Et du coup, cette maladie, elle va muter, elle va continuer à muter jusqu'à ce qu'ils vont faire des lois de plus en plus dures, de plus en plus strictes. Si j'aurais pu prendre, et je pense que je le ferai peut-être dimanche, je vais prendre quelques paragraphes de personnalités politiques et je vais vous donner une autre lecture de ce qu'ils disent. Vous allez voir, les gens ne savent pas qu'on est en train de se diriger vers une dictature et vous n'aurez plus de soi-disant ces libertés-là. Et c'est le pire en tout ça, en fait. C'est quoi ? Qui c'est qui sont réellement ciblés ? Ça sera les musulmans. De les dépouiller de leur foi et de leur croyance. Pas des adorations, en foi, ils s'en foutent. Hein. Que tu fasses les rites toute l'année, le taraweeh, ce que tu veux, ça les dérange pas. Tant que tu n'as pas une croyance sincère, pure, saine, qui est en opposition avec eux, leur système, leur doctrine et tout ce qu'ils véhiculent, en fait, comme idéologie. Et le but, c'est ça. On l'a vu dernièrement quand il s'est passé, je ne me rappelle plus, parce que franchement, c'est tellement rabaissant, humiliant. Quand il y a eu la manifestation, je ne sais pas à cause de quoi, on a vu des sœurs, des frères, des responsables d'associations, je ne sais pas quoi, mais c'était de la mécréance à volonté. À volonté, Marianne, sauve-nous, la République, oh laïcité, protège-nous, je sais pas quoi. Mais ça y est, là on est dans des apostasies de masse. Et donc tout doucement, en fait, c'est ça qu'ils veulent finalement. Dépouiller chacun de sa religion, comme ils l'ont fait avec le christianisme, comme ils l'ont fait avec le judaïsme, dans leur époque respective, au point où on va manipuler maintenant ces gens-là. Ben, les musulmans, c'est pareil, ils vont pas faire exception. Ce qu'on n'a pas compris, c'est que c'est le Coran qui est préservé, pas nous. D'accord ? Donc nous, à partir du moment où on suit le Coran, on est préservé, bihaoulillah, par un bienfait d'Allah. Et maintenant, si on ne le suit pas, on fait comme on l'est au jour d'aujourd'hui, on se comporte comme ou des juifs ou des chrétiens, ben, ils vont nous manipuler comme ils les ont manipulés. Donc voilà, le coronavirus, franchement, il va en soi muter, il va devenir un peu plus violent, mais pas spécialement par rapport aux différents profils de gens, c'est-à-dire qu'il va toucher toujours les mêmes types de gens, mais il aura un effet beaucoup plus violent et rapide. Tout ça va les pousser à accélérer et à proposer leur vaccin. Mais entre-temps, il y aura plein des lois liberticides qu'ils auront mis en place et qu'ils auront pu, à travers cela, restreindre au niveau de la liberté individuelle et collective des gens pour pouvoir passer à un autre état. Et lorsque cette phase, on va être dans une phase redescendante dans quelques mois, et bien cette phase descendante, elle ne sera pas totalement. C'est-à-dire que toutes les lois et les restrictions qu'ils ont mises, il y a certaines choses qui vont rester et qui vont continuer à exercer. Oui, voilà, laïcité en thème. A'oudou billah. Franchement, c'est pour ça que des fois, quand tu regardes la télé, tu te fais du mal aussi à ton cœur en voyant tout ça. Toi, alhamdoulilah, ça va, il t'a préservé, c'est une chose. Mais ça fait du mal de voir sa communauté comme ça, en train de... Parce qu'en fait, à travers ça, on voit leur destination s'ils viennent à mourir dans cet état-là. On ne leur souhaite pas ça. C'est très probable que c'est ce qui va se passer. En fait, c'est le risque de vivre dans un système où on a mis notre cœur et notre esprit entre leurs mains et on est en mode pilotage automatique. Enfin, ils sont avec nous en mode pilotage automatique. Donc en fait, cette maladie, voilà, donc elle va s'accentuer, elle va devenir de plus en plus sévère. Ils vont pouvoir, à travers ça, pouvoir faire d'autres lois. Comme l'a dit Samir, et c'est pas tant, je voulais pas en revenir sur ça, il y aura le krach boursier a déjà commencé. On a passé des, on est descendu à des taux qu'on n'a jamais vu depuis la création des bourses. D'accord, la bourse de Paris, de New York, de Bruxelles, de Londres, et ainsi de suite. On est à... En fait, il faut, c'est comme je vous l'ai dit, il faut comprendre tout ce qui tourne autour. Pour comprendre, en fait, de savoir qu'est-ce qui est en train de se passer. Et à ce moment-là, ça doit me pousser à réfléchir. Parce que finalement, c'est plus une question de coronavirus. C'est une question de... on va passer dans un nouveau monde. Donc, malheureusement, beaucoup pensent que le confinement, il va faire 15 jours, il va arrêter. Le confinement, je vous le dis, il va dépasser les 15 jours, il va dépasser le mois et il va, bihaoulillah. Quand je dis bihaoulillah, c'est parce que je veux. C'est parce que c'est Allah qui décrète les choses. Eux ne font que ce qu'Allah a voulu faire, comme je vous l'avais, on l'avait expliqué dans les cours, dans Tawhid al-Rububiyya, c'est que les gens, de toute façon, ne peuvent agir que si Allah l'a créé. Si Allah ne l'a pas créé, ils ne savent même pas qu'elle existe et ça ne traversera même pas leur esprit. D'accord. Donc, s'ils l'ont créé, c'est qu'Allah a voulu. Et à travers ça, qu'ils causent leur destruction et que, malheureusement, comme on l'a dit à tout à l'heure, que bah, du fait qu'on a délaissé notre din, et bah, Allah envoie des ennemis qui vont nous rabaisser, nous humilier. Voilà. Donc, cette maladie, malheureusement, elle ne va pas se dissiper comme ça. Elle va muter. Cette mutation va nous amener à avoir un confinement beaucoup plus long. Et ça va leur permettre de pouvoir mettre plein de choses et plein de dispositions en place. D'ailleurs, là, ils parlent d'un été d'urgence. Ils disent que nous sommes dans une crise, dans un état d'urgence sanitaire. Il faut voir ce que ça veut dire. Il y a... ça veut dire que là, à l'heure actuelle, ils sont en train de mettre un ensemble de dispositions en place. Si vous croyez que ça va s'arrêter là, demain, vous allez comprendre. En fait, demain, on va comprendre dans le monde dans lequel on vit. Ceux qui sont, je ne parle pas de vous, mais très attachés à la France, et à soi-disant, il y a de la justice sociale, économique, on a un certain bien-être, ainsi de suite. Oui, c'est ce qu'ils vous ont laissé paraître. Maintenant, leur vrai visage va apparaître. Donc, tout ça pour... on va finir sur le coronavirus. On reviendra avec des actualités beaucoup plus fraîches dimanche, inchallah, mais rapidement, après le cours. Donc, le coronavirus, comme je l'ai dit, en soi, maintenant, il n'y a pas à en faire une psychose comme la psychose dans laquelle la majorité des gens sont tombés. Et Wallah, ça fait encore plus mal au cœur et c'est triste quand on voit des musulmans. Et ils sont encore pires ou encore plus acharnés que certains non-musulmans. Ensuite, donc, cette phase-là va être une phase descendante qui va pouvoir laisser place à d'autres parties ou d'autres aspects de leur manipulation ou de leur plan pour pouvoir arriver au nouvel ordre mondial. Et finalement, c'est quoi? C'est une dictature. Donc, tous ceux qui sont, malheureusement, voilà, l'Occident, certes, on n'avait pas cette compréhension des choses. Et avec le temps, en comprenant, et surtout en ayant un regard religieux, on commence à se... Il y a tellement de choses à évoquer. L'homme augmenté, l'intelligence artificielle, la physique quantique ou l'ordinateur quantique, et tout ce qui est lié à cette nouvelle technologie qui va remplacer cette physique classique qu'on a aujourd'hui, qui nous a permis d'arriver. Tout ça, en fait, on y reviendra, Inch'Allah. En fait, quelque part, c'est pas ça, c'est qu'on est dans un gouvernement répressif, et c'est ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'en fait, on croit qu'on est dans un pays de soi-disant liberté, ainsi de suite, c'est par la langue, par la bouche. Mais concrètement, viens à te rebeller, tu verras ce qui va se passer. Donc, c'est ce qui va se passer en France. C'est ce qui va se passer en France et dans d'autres pays. Donc, avec tout ce qui est reconnaissance faciale, les smart cities, et ça, on verra, Inch'Allah, on verra, j'essaierai de faire un peu le tour de tout ça, Inch'Allah. Donc, bien sûr que non, on n'a pas besoin d'une fatwa, mais malheureusement, les musulmans qui sont mal, enfin, les savants et derrière, ou les toulab al-ilm, qui sont mal informés, subhanallah, ils sont tous... En fait, tout le monde est en train de glisser, en fait, dans cette manipulation. Et c'est là, on voit que c'est une... C'est... une fitna de taille. Et ça revient à la fitna de l'antéchrist, quand le prophète, pas que le prophète, tous les prophètes ont mis en garde contre la tentation ou la fitna de l'antéchrist, que ça va être compliqué, ben c'est ce qui se passe. Donc, bref, tout ça pour vous dire que le coronavirus, ça ne sert à rien de faire en psychose. La chose sur laquelle vous devriez psychoter, c'est tout de suite, si tu meurs, tu vas où? Est-ce que tu sais où est-ce que tu vas? Parce que là, c'est sûr que tu vas le rencontrer, tu vas rendre des comptes. Tu vas où? Parce que peut-être que dans son confinement, on va peut-être manger un truc de travers et on va s'étouffer aussi. Donc, bref. Donc, en tous les cas, et après, je reviens sur le docteur. Comment ça se fait que le docteur, à la Raoul, je ne sais pas quoi, il a proposé une solution, ce n'est pas une solution à 100%, mais qui aide considérablement les cas qui ont été testés. D'accord? Et comment se fait-il qu'en France, ils le traitent pour un fou, ils le traitent pour un charlatan, ils ont même mis en garde contre lui, il a reçu des menaces, d'accord? Et aux États-Unis, là, c'est le libre penseur qui a tweeté ça, il a dit que Trump, il a autorisé, en attendant d'avoir des solutions concrètes, d'utiliser cette méthode-là. En fait, le simple fait que... il y a une phrase qui dit le borgne est roi dans un royaume d'aveugles. En fait, on leur a laissé la responsabilité de s'occuper de notre vie à tous les niveaux. Et du coup, on ne sait même plus ce qui se passe, je ne veux même pas dire en dehors des frontières, dans ton quartier, tu ne sais même pas ce qui se passe, si ce n'est que tu as allumé BFM, LCI, je ne me rappelle plus toutes les chaînes, CNews, je ne me rappelle plus, je ne sais même pas, j'ai hier en tête 2. France 2, France 3, France 4 et 4 clics. Tout ça, c'est une armée de journalistes au service du pouvoir. Ben, c'est même pas du pouvoir, parce que même le pouvoir, il est au service de l'oligarque. Et même les oligarques sont au service de bref. Pardon. On va s'arrêter là-dessus. Barakallahu fikoum pour votre participation, pour certains, pour votre présence à tous. Si c'est pas clair, des fois, ou que je m'exprime un peu la va-vite, ou je fais des fois des raccourcis ou quoi, n'hésitez pas à m'arrêter. Après, si vous avez des liens, ou si vous avez des... Là, c'est pas comme l'autre cours, c'est un cours, c'est pas vraiment un cours, c'est des partages. Si vous avez des partages à faire, ainsi de suite, faites-le, mais avec des pincettes, et bon, de toute façon, je vérifie, enfin, je regarderai, ou j'essaierai de donner mon opinion par rapport à tout ça. Et voilà, celui qui a des choses à partager, bismillah, si il y a des choses qui sont fausses ou quoi, ou il y a des choses à redire, bismillah aussi. Inch'Allah, j'espère que Allah vous facilitera à tous dans ce que vous entreprenez, et surtout dans le fait de cheminer vers lui, parce que c'est ce qui est notre, comme Allah dit, Anta waliyuna fi dunya wal akhirah. Tu es notre allié dans cette dunya et fil akhirah. Donc, prenez Allah, comme il y a un hadith aussi où le prophète m'a dit, préserve ta religion, parce que tu ne préserves pas Allah, préserve ce qu'Allah t'a donné, et Allah te préservera. Donc, en fait, comme on l'a cité sur le hadith dans le coin. Donc, ce dîn a été transmis pour être pratiqué, et en le pratiquant, on va pouvoir retirer des fruits. Et forcément, Allah, il va nous préserver de tout ça si c'est décrété qu'il nous préserve. Voilà. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين يا رب العالمين اللهم احفظنا بحفظك اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم واغفر لنا ربنا إنك أنت الغفور الرحيم وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا والحمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم j'espère que j'ai été clair j'ai essayé en tout état de l'être et de vous apporter les éléments qui vont vous aider et non pas de rentrer dans l'actualité dans l'information parce que c'est comme je l'ai dit c'est du Wallah, moi je ne m'informe même pas